Diz que as vão, tu me connais. E cê tá mijando no trou cul. Quand je bois, j'parle japonais. J'vois ma peine dans les yeux. Ça va rôder en cabriolet. Tu merci, j'pense plus à cabriolet. Là y'a le type, tu devais en mêler. Les claquettes et la casquette en mêler. Tu m'as blessé, t'étais contre moi. Ne viens pas me dire désolé. T'inquiète, j'ai retenu cette fois. J'aurais donné pour un violet. Je laisse en cache sur le DM. J'fais des boulettes sur mon VTN. Ça me reconnaît à ma dégaine. J'prends avec toi comme si j'suis des gars. Alors comme ça, tu prends la mâche. C'est ça que tu te retrouves à la dèche. Tout ce que tu dis, toi, tu le rabâches. Et en plus, sur un mix, fais-tu flèche. Dans ma tête, c'est le ghetto. J'tire de bière sur le vélo. Envie d'y aller en moto. Et de sortir le méto. Quand tu des haches en petit colère. L'opinel dans la polaire. Ça me gêne, j'suis en colère. Ce qui m'aime pas niquer en mer. Le coup, tu vas te souvenir de nous. Comme si t'avais vu le loup. J'traîne avec des têtes cheloues. Peu sociable et un peu fou. Le coup, tu vas te souvenir de nous. Comme si t'avais vu le loup. J'traîne avec des têtes cheloues. Peu sociable et un peu fou. Un thème à 100 Y, mon flow te reste dans la tête. Ton petit carte dans le raquette. Ça te laisse pour des cagettes. Mon flot te reste dans la tête. Pour ce qui cartonne raquette. Là te laisse pour des cagettes. Wesh le game, wesh le game. Vas-y mets droit le tem-tem. Wesh le game, wesh le game. Un bandit dans la zone-zone. J'vois la gagne, j'fais le signe. J'fais le sang, ouais le sang. Et je sais, du moins je sens. Que je sème dans le fond. Y'en vient pas rien, truc de fou. Tu te montres, c'est un truc de faible. Tu dis moi, j'nique tout le monde. Facile de le dire, dur de le faire. Tu veux que je prends RDV. J'te double en Honda et ça dévie. J'aime tes yeux, tes joues de bébé. Moi j'raconte tout sur CD. J'veux pas finir comme Jacques Mérine. Comme Biggie ou tout pas de chantour. Quand j'm'ennuie j'envoie des rimes. Que j'rafale, j'suis jamais à court. J'passe au nord, j'fais pas l'héros. J'passe au sud, j'fais pas l'héros. J'passe en ville, j'fais pas l'héros. Et j'vais aller guetter en vélo. Cet été j'loue Lamborghini Urus. Avec mon dégât des Russes. La Russe pas Canal Plus. Fais gaffe si tu pas Campus. Ta maman va s'inquiéter. Si elle sait que t'es endetté. J'ai fait des trous. Mission rogatoire, le commissaire fait qu'enquêter. Je vais te taser, tu m'en boucanes, tu gazais. Je vais repasser, on fera comme si rien ne s'est passé. Du coup, tu vas te souvenir de nous, comme si t'avais vu le loup. Je traîne avec des têtes cheloues, peu sociable et un peu fou. Du coup, tu vas te souvenir de nous, comme si t'avais vu.